Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Voici le sommaire de ce journal. L'ONG Parole et Action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités par SEM demande que la mise en place d'une politique nationale de la population. Il le dit au moment où le monde célèbre le 11 juillet de chaque année la journée de la population. Vous l'entendrez dans ce journal. La passation de l'examen d'État édition 2023 a bel et bien eu lieu ce mardi 11 juillet 2023 à travers tout le pays. Plus de 50 000 élèves sont attendus sur 106 centres de passation. Le ministre de l'Éducation nationale, François Havjaliman, indique qu'il n'y a pas beaucoup d'incidents majeurs à signaler. Les déplacés du site Sokarti en zone Kinama n'ont pas bien accueilli la mesure du ministère en charge des infrastructures, leur intimant l'ordre de quitter ce site le 30 août de cette année. Ils avancent leur incapacité à se construire un nouveau logement dans un délai aussi court. Et dans la chronique santé, on vous propose la deuxième partie sur l'importance de la consultation prénatale précoce qui permet de dépister et d'éventuelles anomalies qui pourraient survenir pendant la grossesse. Voilà pour l'essentiel de ce journal présenté par Aïssa Liliane Inamaholo et mis en onde par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue. La passation de l'examen d'État dans certaines écoles de la mairie de Bujumbura s'est bien déroulée ce mardi au lycée Notre-Dame de Lohero, un des centres de passation. Le responsable a indiqué que le nombre de candidats attendus était de 278 venus de 6 établissements. Au lycée Skeppers de Nyakabiga, de même examen s'est bien déroulé, mais avec un léger retard dû à la vérification des noms. Et près de 51 000 élèves finalistes du poste fondamental sont attendus à l'examen d'État qui a débuté ce mardi. Le ministre de l'Éducation, François Havjaliman, a fait le déplacement en province à Bujumbura au lycée Buhonga et Jenda. Il a annoncé que les Burundais ayant suivi les cours au Kenya sont rentrés pour passer cet examen. Le ministre Havjaliman a en outre fait savoir qu'il n'y a pas d'incident majeur. Suivez-le. Dans tout le pays, nous enregistrons 50 950 candidats au total, mais à cela s'ajoutent les autodidactes, c'est-à-dire ceux qui ont échoué à l'examen d'État les années dernières et qui reviennent pour passer afin de maximiser les chances d'avoir le diplôme d'État afin de passer à l'enseignement supérieur. Tous ces candidats proviennent de 1113 écoles et sont dans 106 centres de passation. Je dois signaler que parmi les candidats à l'examen d'État figurent ceux qui ont suivi leurs études à l'étranger, au Kenya, et qui sont venus faire cet examen ici au Burundi. Parmi ces candidats figure d'ailleurs un étranger qui a suivi le système burundais, le système d'enseignement burundais au Kenya. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour porter à la connaissance des candidats qu'il y a une bonne nouvelle pour eux. Parce que ceux qui vont avoir la meilleure note, comme vous le savez, vont être orientés dans les universités publiques. Mais les années dernières, ils étaient obligés d'attendre d'abord une année à la maison avant d'accéder à l'enseignement supérieur public. Pour les lauréats de l'examen d'État de cette année, ils vont directement passer à l'enseignement supérieur public sans attendre une année à la maison. Et oui, c'était le ministre de l'Éducation, François Havjaliman. L'ONG Parsem demande la mise en place d'une politique nationale de la population. Il le dit au moment où le monde célèbre le 11 juillet de chaque année la journée de la population. Faustin Ndikumana, directeur national de cette organisation, fait savoir que le Burundi est hanté par plusieurs défis liés à la surpopulation, notamment la déforestation, le manque de terres arables et la mauvaise alimentation. Suivez-le. Il y a plusieurs défis liés à la vie de la population, actuellement au Burundi. Mais certes, nous avons une vision. Le Burundi est maison 2040, le Burundi développé 2060, avec réforme annoncée du budget programme. Le budget programme est censé réaliser des programmes au bénéfice de la population. C'est pour cela que le gouvernement devait s'attirer à mettre sur pied la politique nationale de population. Elle a été annoncée, mais nous voulons le lancement officiel d'une politique nationale de population. Le recensement général qui a été annoncé devait être fait pour connaître l'état des lieux de la vie de la population en général et puis se projeter dans l'avenir. Parce qu'on doit aboutir à répondre à ces questions. Nous voulons une population qui se reproduit à quel rythme, qui a à quel revenu, qui mange combien de fois par jour, quelle quantité, quelle qualité, quelles conditions de scolarité, quelles conditions de santé, situation sanitaire et hygiène, équipement, est-ce qu'on dort sur un natte ou un matelas, l'accès à l'électricité, à l'internet, quel taux d'urbanisation, le réseau routier, quel état du réseau routier, accès à la justice, participation publique. Si on dit au moins au Solomon Chofungura, c'est à quelle quantité, à quelle qualité, à quel revenu, quel niveau de revenu. Il faut une clarification de ces politiques parce que, en fin de compte, tous ces programmes sont censés être en faveur du changement de vie de la population. D'où cette mobilisation des recettes, les recettes fiscales, l'aide publique au développement, les recettes minières. L'endettement, toute cette structure de mobilisation des recettes devrait servir au lancement économique en faveur du changement de vie de la population. Et oui, c'était Faustin Ndikumana, directeur national de l'ONG Parole et Action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités par SEM. Et vous saurez que l'organisation onusienne de la population UNFPA rappelle dans un rapport qu'en novembre 2022, la population mondiale a atteint les 8 milliards de population. Après 20 ans que les pays africains aient signé la convention portant lutte contre la corruption, le Burundi y compris, ce fléau gangrène toujours à ce dernier propos de Gabriel Rufyiri, ce 11 juillet, la journée de lutte contre la corruption en Afrique. Dans une conférence de presse relative à cette journée, ce président de l'ELICOM appelle les autorités burundaises de tout faire pour que la corruption soit éradiquée au Burundi pour accéder au développement durable. Je vous prie de le suivre. Vous le savez qu'avant 2005, on était dans une guerre civile. C'est à partir de là qu'on a commencé à penser au développement, à la stabilité des institutions, etc. etc. Donc depuis 2005, à ce jour, en tout cas le Burundi a continué à chuter selon les indicateurs de Transparency International. Tenez, en 2005, le Burundi occupait la 130e position sur à peu près 167 États avec 23% de points. En 2022, donc l'année passée, le Burundi occupe 171 pays sur 180 à peu près avec 17% de points. Donc vous voyez qu'on a chuté sensiblement en matière de lutte contre la corruption. Cette convention africaine est une convention importante. Ici, je vais évoquer certaines infractions que la convention évoque. J'évoque l'enrichissement illicite, mais aussi le branchement du produit de corruption. Nous demandons aux mandataires publics de respecter le principe des incompatibilités. Parce que des mandataires publics qui s'adonnent au commerce provoquent des dangers dans le pays. Nous demandons aussi au pouvoir public d'engager des réformes profondes de l'administration burundaise, de la justice, mais aussi d'engager des hauts cadres de l'État compétents, pleins d'intégrité et de la culture du Burundi. Nous demandons à ce que le domaine des marchés publics soit aussi réformé, parce qu'il y a un grand problème de monopole. En vue de garantir la lutte contre la corruption, et oui, après une courte pause, on continue avec ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. les déplacés du site Sokarti 6 en zone Kinama en mairie de Bujumbura estiment qu'ils n'ont pas encore commencé les préparatifs concernant leur déménagement de ce site. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro notent notamment leur incapacité à se construire une maison dans un délai de 12 mois, la réappropriation de certaines parcelles que le gouvernement avait octroyées à ces derniers comme des causes. C'est au moment où le ministère en charge des logements sociaux a fixé au 30 août 2023 la date limite de leur départ de ce site. Le point avec Jean de Dieu Irakodze. Ce sont les déplacés du site Sokarti indiquant qu'ils n'entreprennent pas des préparatifs concernant leur déménagement pour plusieurs raisons. Certains d'entre eux déplorent que l'État s'est réattribué certaines parcelles lesquelles il avait octroyées à ces derniers. Comment pouvons-nous nous préparer alors que les préparatifs étaient censés être effectués dans les parcelles que le gouvernement s'est réattribué avec les travaux déjà réalisés? D'autres n'ont pas encore réussi ces parcelles. De plus, 9 ménages ont vu leurs parcelles spoliées par d'autres et des maisons ont été construites à la vue de tout le monde sans être inquiétées par le ministère malgré les demandes introduites par ces ménages. Le titre d'attribution stipule que ces parcelles ont été octroyées aux vulnérables sans terre. Alors, si on ne nous donne que ces délais de 12 mois sans se soucier ni de l'eau ni des serpettes pour couper les arbres dans ces parcelles, n'est-ce pas de la ruse? Ces habitants demandent d'attendre la mise en application de la mesure concernant leur déménagement. Pour explication, ils indiquent qu'ils avaient adressé leurs doléances au chef de l'État burundais et qu'ils attendent une issue. Que le gouvernement et plus spécialement les chefs de l'État à qui nous avons soumis nos doléances prennent en main cette question. J'avais de l'espoir car ils nous avaient rassurés d'attendre une issue. Ils nous avaient demandé de suspendre les appels téléphoniques et correspondances. On attendait donc cette réponse. Nous ne savons pas si c'est cela communiqué par ce ministre. Que le gouvernement recherche où nous mettre, non pas dans un terrain vide, mais dans une habitation. Cette situation prévaut au moment où le ministère en charge des logements sociaux a récemment exigé se déplacer à travers un communiqué rendu public le 7 juillet 2023 à déménager au plus tard le 30 août de l'année en cours. Merci Jean de Dieu Irakodze pour ce reportage. Quittons Bujumbura et rendons-nous en province Rumonge où la non-conservation du carburant chez soi, même en cas de possession de plusieurs bateaux de pêche et la confection de fiches d'approvisionnement en carburant sont certaines des mesures arrêtées lundi pour couper court à la fraude de carburant qui prend de l'ampleur dans cette province de Rumonge en cas de disponibilité de l'or noir. Dans une réunion présidée par le gouverneur de Rumonge, les participants disent ne pas comprendre comment 110 000 litres de carburant peuvent être consommés en moins de 4 jours et s'engagent chacun en ce qui le concerne de tout faire pour assainir la distribution du carburant. Correspondance signée Jean-Pierre Misago. Dans toutes les parties impliquées dans la distribution du carburant en cas de sa disponibilité en province Rumonge, depuis les pompistes jusqu'aux membres du comité de suivi de distribution du carburant, des manquements se sont observés et ils doivent être corrigés pour rendre transparente la distribution de l'or noir à Rumonge. Selon certains participants, dans la réunion de ce lundi à Rumonge, les pompistes sont les premiers responsables dans la fraude du carburant. Pour d'autres, les conducteurs de véhicules qui s'approvisionnent sur les stations-service et qui vont en alimenter le marché noir et qui reviennent ensuite sont parmi les grands fraudeurs. Il y a même certains membres des comités de suivi de la distribution du carburant qui, au lieu de s'acquitter convenablement de l'émission, entrent eux aussi dans la danse des fraudeurs du carburant, comme le cas d'un policier attrapé avec un bidon de carburant sur une station-service de la ville de Rumonge fait remarquer un autre participant. Au terme de cette réunion, Léonard Niyonsaba, gouverneur d'Oumongué, qui l'a présidé, a annoncé une série de mesures allant dans le sens de stopper cette fraude de carburant qui semble prendre de l'ampleur en province d'Oumongué. Parmi ces mesures figure le non-stockage du carburant chez soi, même pour les pêcheurs, et celui qui sera attrapé en train de vendre du carburant en dehors des stations-service sera traduit en justice dans un procès de flagrance. Il s'agit d'une série de mesures arrêtées après des lamentations de la population d'Oumongué que chaque fois que les stations-service sont approvisionnées en carburant, celles-ci se vident dans si peu de temps. Jean-Pierre Misago depuis Oumongué, Radio Isanganiro. Et page politique de ce journal, la disposition de l'actuel code électoral préconisant la perte de la qualité de député une fois qu'il change de parti politique mérite d'être supprimée dans le code électoral des législatives et communales de 2025 et les présidentielles de 2027. Souhait du parti Sahwanya Frodewu qui estime que parmi les élus collinaires, 2 sur 5 soient des femmes au sein de l'administration à la base. Phénias Nigaba, vice-président du parti Sahwanya Frodewu, demande des consultations avec des responsables des partis politiques pour l'élaboration du nouveau code électoral. Suivez-le. Aujourd'hui, nous voyons un silence absolu sur la préparation des élections. Dernièrement, nous avons entendu sur les ondes de la radio que la CENI a été en train de faire quelque chose suivant le nouveau découpage administratif. Mais ça nous a étonné parce que la CENI ne peut pas faire quelque chose en rapport avec les élections, surtout avec ce nouveau découpage, sans tenir compte des partis politiques. Ça, c'est déjà un vice de procédure. Deuxièmement, au niveau du parti Sahwanya Frodewu, nous voyons qu'il y a des dispositions qui méritent d'être supprimées ou bien d'être amendées. Il y a une disposition qui dit que si un député ou un sénateur change de parti politique, il est directement rayé de la liste des députés de son parti politique. Nous voyons ça, c'est une intimidation. Un député, il y a une disposition qui est claire dans la Constitution qui stipule que un député ou un sénateur a un mandat national. Alors, si un député a un mandat national, il doit exercer ses fonctions librement. Au niveau du Frodebou, nous voulons que cette disposition soit supprimée. Tout mandat impératif est nul. Deuxièmement, au niveau local, pour les conseillers communaux, nous voyons qu'il y a une disposition qui dit que chacun doit être représenté. Ce n'est pas logique. Nous voulons qu'il y ait une représentativité vraiment dans laquelle se trouvent des personnes qui ont des compétences avérées. Nous voulons que maintenant cette disposition soit amendée au niveau des élections collinaires. Nous voulons que les femmes soient intégrées parce que les femmes représentent 53% de la population. Alors, nous proposons à ce que sur les 5 élus collinaires, il faut qu'il y ait 2 femmes sur 5. Ça pourrait maintenant pousser aux femmes d'être intéressées à la politique, même de trouver des solutions qui concernent les femmes en général. Il faut que la CENI sorte de son silence. Il ne faut pas que les élections soient préparées dans un silence absolu. Il faut que maintenant que les partenaires, en commençant par les partis politiques, la société civile, les confessions religieuses, les partenaires techniques et financiers, soient associés dans son grand projet. Radio Isanganiro, chronique santé. La consultation prénatale précoce se fait dès le début de la grossesse. Elle permet de surveiller la santé de la mère. D'après le gynécologue Gabriel Nahayo, ce spécialiste explique que les conséquences sont nombreuses si la femme enceinte ne respecte pas ses premiers moments, car cela peut conduire des fois à un accouchement prématuré ou à d'autres comme les malformations du fœtus. La chronique du jour s'est signée Francine Ndéokoubgaïo. On vous avait parlé dernièrement de la consultation prénatale et précoce qui intervient dans les 3 mois de grossesse et présente plusieurs avantages, entre autres le traitement de certaines maladies, comme le précise le gynécologue Gabriel Nahayo. L'avantage d'un dépistage précoce, c'est permettre au médecin et à la patiente de connaître l'état de santé de la mère et de pouvoir traiter la malade en cours de grossesse et donc améliorer la santé de l'enfant, permettre un bon accouchement, l'accouchement d'un enfant sain éviter la transmission, mère enfant pour les maladies infectieuses, traiter les maladies métaboliques comme l'anémie et le diabète à temps, traiter une éventuelle hypertension artérielle pour permettre à la grossesse d'évoluer normalement et donc d'éviter les complications que l'on observe lorsque les malades ne sont pas suivis. Si cette consultation n'est pas faite à temps, cela peut entraîner des conséquences. Un risque d'accouchement prématuré, un risque de malformation, c'est un risque de mort fœtale in utero, c'est un risque de transmission des maladies de la mère à l'enfant, notamment en ce qui concerne le sida, la toxoplasmose, l'hépatite B, etc. Donc ce sont des risques importants qui peuvent être évités par une consultation précoce et par une prise en charge précoce. Il arrive des fois que la femme ne se rende pas compte de sa grossesse dès les premiers mois, mais quelques signes peuvent le confirmer. Le premier signe, le signe majeur étant l'arrêt des règles. Alors, l'arrêt des règles, surtout quand il est net, permet de reconnaître le début de grossesse. Quelquefois, c'est difficile de reconnaître l'arrêt des règles parce qu'il y a de petits saignements qui interviennent à échéance d'un mois et donc qui miment les règles. Mais le fait même que les règles soient anormales devrait conduire à consulter. À côté de cela, on a ce qu'on appelle les signes sympathiques de grossesse, nausées, vomissements, inappétence, somnolence, fatigue, etc. Ce sont un ensemble de signes qui doivent conduire non pas à la prise de médicaments, mais à une consultation pour que le médecin et la femme reconnaissent la grossesse et puissent la dater de façon exacte. Mais le conseil est net, c'est que dès qu'on n'a pas de règles ou dès qu'on a les signes qui peuvent évoquer une grossesse, il faut consulter, parce que consulter précocement, ça préserve la santé de la mère, ça préserve la santé de l'enfant qui est dans leur sein et ça préserve la santé du futur nouveau-né. Ainsi, cette première consultation pour la femme enceinte va permettre de prévenir les complications et de minimiser les risques éventuels au moment de l'accouchement et de la naissance. Point final à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été présenté par Aïssa Liliane Inamahoro et mis en onde par François Akimana. Très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Isanganiro. Au revoir.